Révoltés et pâles, aux regards étrangement beaux, rêvent de lointaines escales, au départ des grands paquebots. À l'heure où le soleil se lève contre mille désirs luttants, ils écoutent le cœur battant, la chanson que berce leur rêve. Le ciel est clair, on voit sur la mer, en haut du bastingage, nager les poissons. Lorsque nous passons, les voici, les poissons qui nagent. Quand le ciel est lourd, on rêve d'amour, quelques belles lointaines. Entend nos chansons, lorsque nous passons, la voici, la belle que j'aime. Quand le ciel est noir, on n'a que l'espoir, sur cette mer fatale. Revoir la maison, lorsque nous passons, la voici, la terre natale. Venez vers nous, les beaux voyages, le ciel est un col de marin. Je vous salue au blanc nuage qui voguez de si bon matin. Dans les ports où la lune blonde sourit et soudain disparaît, nous irons chanter à la ronde et boire dans les cabarets. Quand le ciel est clair, on voit sur la mer, en haut du bastingage, nager les poissons. Lorsque nous passons, les voici les poissons qui nagent. Quand le ciel est lourd, on rêve d'amour, quelques belles lointaines. Entend nos chansons, lorsque nous passons, la voici, la belle que j'aime. Quand le ciel est noir, on n'a que l'espoir, sur cette mer fatale, revoir la maison lorsque nous passons. La voici, la terre natale.